Ainsi se conclut la nuit spéciale que nous avons consacrée à Franz Kafka à l'occasion de la parution récente des deux premiers tomes d'une nouvelle traduction de ses œuvres complètes aux éditions de la Pléiade, édition que vous avez dirigée, Jean-Pierre Lefèvre. Au cours de cette nuit, nous avons donc pu entendre une adaptation de La Métamorphose proposée par Jacqueline Clancier et réalisée par Jean-Jacques Vierne en 1969. On a écouté le documentaire que Marie-Christine Navarro avait réalisé pour l'émission Une vie, une œuvre, c'était en 1987, puis une lecture de la nouvelle Un champion de jeûne par Jean Topart pour l'émission Bonne Nouvelle Grand Comédien en 1981, Le Terrier ensuite, lu par Denis Lavant en 2007, un entretien avec Marthe Robert mené par Jean Amrouche à propos du procès en 1955, et enfin à l'instant on écoutait la lecture qu'André Dussollier avait faite de La Lettre au Père pour l'émission Parole Donnée en 1997. Jean-Pierre Lefèvre, pour conclure cette nuit, vous sachant mélomane, je vous ai demandé si vous aviez envie de nous faire entendre un morceau qui d'une façon ou d'une autre évoquerait Kafka pour vous, et vous avez proposé que l'on écoute un titre extrait du premier album d'un groupe de jazz qui s'appelle Not Forget. L'album s'appelle Le Rameau d'Or de la Sibylle de Kuhm et le morceau en question s'appelle Tenebrae. Avant qu'on l'écoute, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez songé à ce morceau en particulier à propos de Kafka? Eh bien, j'y ai peut-être songé parce qu'il est joué entre autres par mon fils. Et certain Virgile Lefèvre, voilà, que vous connaissez bien. Et Tenebrae est le titre d'un poème de Paul Celan, que Paul Celan considérait comme appelé son negro spiritual. C'est un chant de protestation, de dialogue avec Dieu, mais d'un dialogue extrêmement agressif, dur, plein de reproches et qui évidemment commente ce qui est arrivé, l'événement. Et donc ce poème de Paul Celan est intitulé Ténébré selon un rite qui est le rite catholique avec des musiques qui sont entendues dans la nuit de ténèbres, etc. Et bon, ça ouvre l'espace d'interprétation du poème à l'humanité tout entière. Et Paul Celan était un lecteur extrêmement assidu de Kafka. Il a toujours, pas seulement parce que son nom réel, Amschel, est lui-même la déformation en yiddish du mot Amsel, qui était aussi un nom de la famille d'un certain nombre de personnes dans la famille de Kafka. Il y a une fraternité. Paul Celan est un auteur qui a des frères comme ça dans la culture, notamment Mandelstam ou d'autres encore, Heine. Et Kafka est un de ceux-là. On a des livres dans lesquels on voit ce qu'il a lu, ce qu'il a noté, ce qu'il a repéré. Et donc, je trouvais parfaitement adéquat d'ouvrir une écoute de l'œuvre de Kafka vers l'horizon plus actuel de la poésie de Paul Celan. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Lefèvre de nous avoir accompagnés tout au long de la nuit. Les deux premiers tomes de cette nouvelle édition complète des œuvres de Kafka que vous avez traduit avec la collaboration, nommons-les tout de même, d'Isabelle Kalinowski, de Bernard Lortolari et de Stéphane Penel, sont disponibles chez Gallimard. Et puis on guette la parution pour bientôt, on l'espère, des deux tomes suivants. C'était donc La Nuit Kafka par Mathilde Wagman, attachée d'émission Hassan Mbechour, réalisation Philippe Baudouin, prise de son Audrey Guélil.